On va parler énorme réussite aujourd'hui pour un Québécois, Hugo Hull, qui est pour la première fois de l'histoire du Québec et la deuxième fois pour l'histoire du cyclisme canadien a remporté une épreuve du prestigieux Tour de France. Et on en parle avec celle qui est analyste pour le site streaming, parce que c'est maintenant sur Internet, le Tour de France. Audrey Lemieux, qui est native d'Allemagne, passant. Bonjour Audrey. Oui, exactement. Je suis native d'Allemagne. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Native d'Allemagne, juste rapidement, là, êtes-vous parti tôt d'Allemagne? Parce que j'aime bien ça, c'est connaître les gens de la région. Oui, ben c'est ça. Je suis partie après mon secondaire 5, là, justement, pour aller m'établir près du vélodrome de Bromont. À l'époque, mon entraîneur qui était d'Allemagne aussi, Nicolas Tremblay, avait déménagé là. Fait que c'est le vélo qui me fait partir de la région. Mais j'y reviens assez souvent, là. Toute ma famille est là. Incroyable, c'est incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui. Hein. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que, je vais être honnête avec vous, le Tour de France, on suit beaucoup moins parce que c'est en streaming. Je trouve ça un petit peu dommage, là, mais pas, c'est moins public qu'avant, mais quand même, c'est énorme ce qui s'est passé aujourd'hui. Là. Oui, ben c'est vraiment Hugo Hull qui a marqué l'histoire aujourd'hui, ouais. Là, qui remporte... pour un Québécois, là, c'est la première fois de l'histoire qu'il y a un Québécois qui remporte une étape sur le Tour de France. Donc, ça a été exceptionnel et on n'a pas seulement un coureur dans le top 3, on en a deux. Un autre Canadien et puis le troisième, c'est Michael Wood. Ouais. Exactement. Donc, pour le cyclisme canadien, probablement la plus belle journée de la décennie ou presque. Quelle retombée que ça va donner concrètement pour le cycliste québécois? Parce que c'est sûr que souvent, si ça prend quand même quelqu'un qui gagne quelque chose pour donner. On l'a vu dans les autres sports avec Eugénie Bouchard, on l'a vu avec Georges Saint-Pierre au UFC, on l'a vu avec la boxe. Pensez-vous que ça peut donner juste une. C'est quand même juste. Il n'y a pas gagné le Tour de France, mais juste de gagner une étape du Tour de France. C'était quelque chose. Je me rappelle, il y a quelques années, David Veilleux qui participait au Tour de France. Juste participer, c'était quelque chose. Puis il n'était pas d'une équipe de pointe, là. Ah non, exactement. David Veilleux, premier Québécois là, à participer au Tour de France en 2013. Donc là, c'est du sérieux. Là, les retombées que ça va avoir, ben, c'est que Hugo Hull aussi va pouvoir partager son expérience par la suite. Donc, c'est une génération de jeunes cyclistes là, qui sont en mesure de se dire, gars, c'est possible de se rendre à ce niveau-là et ils vont avoir un beau modèle. Hugo Hull, c'est un gars qui est accessible, c'est un gars qui est toujours là pour les jeunes. Et je me souviens l'année dernière, quand il a remporté son titre de champion canadien, il est resté là, 45 minutes après là, pour jaser avec tout le monde. Les jeunes étaient là tout autour de lui. Donc, les retombées, c'est de voir que c'est possible de faire. Et par la suite, ben, c'est d'avoir des structures qui vont aider les coureurs à atteindre ce niveau-là. Et d'ailleurs, Hugo Hull, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, de mettre des structures comme ça pour aider les jeunes pour le futur. OK. Dites-moi, Audrey, c'est pas la première bonne prestation d'Hugo Hull. Il était troisième vendredi. Il était Québécois. Donc, c'est une équipe quand même, Première Tech, donc l'équipe qui court. C'est une équipe qui a quand même... Oui. Qui a quand même... passablement de budget. Vas-tu dire une équipe de pointe, dans le fond? Oui, c'est une équipe qui est équipe, c'est une équipe World Tour, Israël Premier Tech. Et ça, il y a quand même Chris Froome dans sa formation, ouais. Quatre fois vainqueur du Tour de France. Michael Woods, lui, avait terminé troisième sur une étape l'année dernière. Ça mène encore troisième. C'est une grosse équipe, là, Israël Premier Tech. Ils ont remporté leur première victoire d'étape pour le Tour de France à l'étape 5 avec Simon Clark. Une équipe qui est encore jeune. Et d'ailleurs, Guillaume Boivin, là, qui est natif du Saguenay, en fait partie, mais depuis le début de cette équipe-là, qui, année après année, a vraiment grandi et grossi là, sur le circuit World Tour. Ils ont des gros noms dans cette équipe-là. Et c'est une structure vraiment énorme. Et ils ont rien à envier des autres équipes-là. OK. En fait. Dites-moi, du côté de l'épreuve d'aujourd'hui, parce qu'on a parlé beaucoup que c'est un exploit extraordinaire, quelle sorte d'épreuve? On dit que la chaleur est au rendez-vous en France pour le Tour de France cette année. Donc, quelle sorte d'épreuve que c'était aujourd'hui? C'est-tu une épreuve difficile? C'est-tu une épreuve quand même Oui, c'est une grosse épreuve. Oui, une épreuve vraiment difficile. On appelle ça là, vraiment une étape de montagne, là. Et oui, les chaleurs, c'est du 40 degrés Celsius là, pour les derniers jours et les jours à venir aussi. Donc, c'est très, très chaud. Donc, aujourd'hui, là, c'était une étape de 178,5 km. Et ça se terminait avec deux montées de première catégorie. La première, c'est Port de l'Erf. C'est 11,4 km de long, là, quand même, en montée. Après ça, on avait une descente de 16 km et c'est là qu'Hugo Hall est parti en échappée. C'est là qu'il est parti à l'attaque. Donc, après ça, ben, il restait 40 km à l'étape, dont une montée très difficile, le mur de Péguerre. Et ça, là, dans les quatre derniers kilomètres, là, ça grimpe à 13 % d'inclinaison, 13 % de moyenne dans les quatre derniers kilomètres. Et Hugo a réussi à résister au retour et vraiment là, ça chassait très fort derrière là. Okay. Donc il a fait vraiment une étape exceptionnelle, un effort colossal aujourd'hui pour Hugo Hall et ça se terminait là avec un 25 km de descente. Il a vraiment été très fort et le fait d'avoir Michael Woods dans le groupe derrière, ben Michael Woods il tentait de dissuader la chasse donc ça a aidé beaucoup. Mais somme toute, une étape de montagne avec une grosse chaleur et deux cols de première catégorie, là, c'était pas une étape facile à aller chercher. Donc ça se termine dimanche normalement. Est-ce qu'il faut s'attendre à une autre bonne performance de Gaul d'ici dimanche ou un autre Québécois parce qu'ils sont trois là. T'as Guillaume Boivin, t'as Michael Woods et t'as aussi, celui qui a gagné ce matin. Oui. Antoine Duchesne aussi et Gaul. Ouais, donc est-ce qu'il faut s'attendre quand même à une bonne performance de Gaul encore d'ici dimanche ou un autre Québécois? Ben c'est sûr que pour Gaul, je pense que les objectifs sont atteints. On a deux grosses étapes de montagne, 17e, 18e étape qui vont se terminer au sommet d'un col hors catégorie notamment et d'un col de première catégorie. Donc on peut s'attendre à voir plutôt là, les Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard se disputer la victoire au sommet. Deux étapes pour pur sprinteur. Donc, c'est sûr que là, pour Hugo Hull, c'est pas un pur sprinteur. Donc, on va oublier ça. Et il va y avoir un contre-la-montre de 40 km. Il ne sera pas non plus en lice, là, pour être un des grands favoris. Je pense que l'objectif est atteint. Il a vraiment saisi ses chances et ses occasions. Et il peut dire mission accomplie. Et là, on dit que pour la 1-2, c'est quand même très, très serré. Puis il y a une équipe qui était pas au rendez-vous, qui devait pas être au rendez-vous, puis qui finalement lutte beaucoup, là, qui cause la surprise. Ça pour le classement général, vous ouais, dites? Oui. Ouais, ben en fait, la Jumbo-Visma, là, on les attendait grand favoris avec l'équipe. Jonas Vingegaard, le maillot jaune, le détenteur du maillot jaune présentement, était fort certainement un des favoris. Il avait été deuxième l'année dernière en 2021 là sur Tour de France. Mais le grand favori, ben c'était Tadej Pogacar, qui était l'homme à battre et vraiment là, il accuse un retard de 2 minutes 22. Donc ça sera pas évident là. Aujourd'hui, il n'a pas réussi à reprendre de temps. Il lui reste deux jours là, la 17e et la 18e. Étape pour essayer de reprendre du terrain. Et Jonas Vingegaard, ben lui, il est un peu nerveux parce que Tadej Pogacar attaque beaucoup. C'est un coureur qui est agressif. Donc, doit quand même là, prendre la mesure des choses pour conserver cette avance-là. OK. Ben, Audrey Lemieux, je vais vous libérer parce que vous avez énormément, très sollicité aujourd'hui. Évidemment, c'est historique comme événement et surtout en plein mois de juillet, où il n'y a pas beaucoup d'actualité, donc il y a une pointe encore plus pour la performance du Gaul. Ben, je vous remercie beaucoup, c'était voilà. Un grand plaisir. Voilà, Audrey Lemieux, avec vous. Qui est analyste à Flowbike, qui est le service de streaming qui diffuse le Tour de France.